Bonjour, bon après-midi, c'est Michel Monnette au micro, c'est Les Oreilles Ailleurs. Les Oreilles Ailleurs, aujourd'hui, vous transportera d'abord en Suède, une heure en Suède. Ensuite, on va aller du côté du Kenya et de l'Afrique du Sud, et oui. Et on va se déplacer, finalement, en Israël. Donc, j'ai dit qu'on allait passer la première heure en Suède. On va commencer avec une chanteuse et un chanteur. La chanteuse s'appelle Melissa Horn. Le chanteur, c'est Emil Jensen. Melissa Horn, elle n'a pas 30 ans. Elle est née en 1987. Sa mère est chanteuse aussi, Maritza Horn. Elle, d'ailleurs, sa mère sort le 27 août, dans quelques jours, elle sort un album hommage à Van Morrison, Just Like Greta, que s'appelle cet album. Quant à sa fille Melissa, son premier album est sorti en 2008. On qualifie sa musique de vis-pop. Vis-pop, c'est un genre de musique devenu populaire à compter du milieu des années 1960 dans les pays scandinaves. Vis-pop, ça vient du suédois visa, qui désigne des chansons folkloriques traditionnelles et populaires auxquelles on ajoute le mot pop. En Norvège, le terme appliqué à ce type de chant accompagné est vis-sang. Le vis-pop se joue en interprétant une chanson avec une guitare acoustique et des paroles qui expriment des problèmes de société. C'est un mélange de bluegrass, de pop, de ballade. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste, par contre, de la guitare acoustique dans ce que fait Melissa Horn. Avec les deux chansons d'elle, Tremaine Homme Alice et... Homme Douville Varamed Mig. Ça, c'est la première des deux qu'on va écouter. Ensuite, on va écouter Emil Jensen dans la chanson Ga i Fangelsi. Et je vous parlerai par la suite d'Emil Jensen. On commence donc cette première demi-heure de toute l'heure consacrée à la musique suédoise. Dans la deuxième demi-heure, vous allez voir, c'est une poétesse suédoise à qui on a rendu hommage en 2007. C'est magnifique ce qu'elle fait. On consacre donc toute la première heure à la Suède et on commence par Melissa Horn. Thank you. kände du att du inte fanns. Om du skulle bli kär i någon annan, så skulle jag låta dig gå. För på något sätt som jag inte kan förklara, så skulle jag förstå. Förstå, men det här är sättet som jag gör det på, och det är upp till dig. Det här är mitt liv, det här är mitt jobb, det här är min tid och mina val som jag har valt om. Du behöver inte förstå, men det här är sättet som jag gör det på, och det är upp till dig. Jag drömde om Alice, att hon klev in och tog över, att hon var vackrare nu än vad hon var förr. Att ni stod på min skolgård, den enda jag trivts på. Hennes skratt var detsamma, ekade som då. Jag sprang hela vägen, jag flög förbi husen, det kändes som milen. Du kom aldrig efter. Jag har sagt en sak och menat en annan. Jag har ljugit, jag med. Jag har sagt en sak och menat en annan. Det här är straffet för det. Väl innanför dörren såg allt likadant ut, så jag gick och la mig. Jag grät några glas, inte så att det märkts något, men så att det känns något. Svårt att sätta fingret på när man väl gjort sig van. Dina böcker om städer, dina signaturer, dina trasiga kläder. Allting låg kvar. Jag har sagt en sak och menat en annan. Jag har ljugit, jag menar. och menat en annan. Där är straffet för det. Jag drömde om Alice. Drömde att ni var vänner. Jag tänkte just såna vänner som vi var en gång. Om man blundar ser man sanningen. Som vi lever döljer vi den. Och när jag vaknar upp är du här igen. Jag har sagt en sak och menat en annan. Jag har ljugit, jag med. Jag har sagt en sak och menat en annan. Där är straffet för det. Jag har sagt en sak och menat en annan. Jag har ljugit, jag med. Jag har sagt en sak och menat en annan. Där är straffet för det. På vår gärning, du får ingen ärlig chans. Du får resa jorden runt och du får aldrig bo någonstans. Ödet ligger sked med vissa, faller hårt mot andras bröst. Du får guld och gröna träd, du får hänga på. Hur kan man döma en person? Hur kan man glömma en miljon? Allt du pekar på, ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få. Gå i fängelse, gå direkt i fängelse. Du får slita hela livet för någon du aldrig själv får se. Och den som har ska vara givet, den som inget har får ge. Du pekar på, ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få. Gå i fängelse, gå direkt i fängelse. Utan att passera. Vi delar öde, delar tid. Den enes död är ingens bröd. Vi delar liv, så vem är fri? Så länge andra är i nöd. Allt du pekar på, ser du stjärnan i det blå? Utan att passera, gå. Gå i fängelse, gå direkt i fängelse. Allt du önskar kan du få. Utan att passera. dans la chanson Gai Fangelsé, tirée de l'album Idet Nia Landet. C'est un album paru en 2013. Emil Jensen est à la fois chanteur et comédien. C'est aussi un environnementaliste convaincu. Il a fait le tour de la Suède en vélo en 2004, guitare au dos. Il faut le voir, il y a un film d'ailleurs, 300 000, qui est résulté de cette tournée tout à fait particulière en vélo en Suède. Emil Jensen a 7 albums à son actif, dont celui-là, Idet Nia Landet. On dit que c'est l'album le plus politique parmi tous ses albums. Autre particularité, c'est lui qui joue à peu près tous les instruments qu'on entend dans cet album. On va écouter une autre chanson de lui, tirée toujours de l'album Vax 10, la chanson. Ensuite, on va écouter une autre chanteuse suédoise, Maya Hirasawa. Hirasawa, vous dites, c'est japonais. Elle sait que son père était japonais, sa mère était suédoise. Elle a vécu en Suède. Et elle était parmi les voix d'accompagnement de la chanteuse Annika Norlin. Je vous ai présenté d'ailleurs 2 chansons d'Annika Norlin le 1er juin dernier. Elle a signé son premier contrat avec le label indépendant Razia en 2007. Comment elle a réussi ça? C'est qu'elle s'était fait un fan club internet. Et c'est à partir de là qu'elle a réussi à convaincre Razia de la signer. Elle a fait un premier album en anglais qui a eu quand même déjà beaucoup de succès. Elle a rapidement eu beaucoup de succès. En 2010, elle a senti le besoin de prendre une pause. Ouf! Elle est allée au Japon. Elle a passé 1 an au Japon. Elle était là le 11 mars 2011, au moment où il y a eu ce terrible grand tremblement de terre qui a frappé le Japon. Elle a écrit d'ailleurs un peu plus tard que ça fait partie de ces événements qui relativisent beaucoup de choses dans la vie et on la comprend. Elle a fait une chanson d'ailleurs, elle a indiqué elle a créé une chanson qui est devenue une publicité qui s'appelle Boom, qui a été immensément populaire, des millions de Japonais qui l'ont vu et qui lui a même vu, a même valu un prix à Cannes. Pour cette chanson, je crois que c'est en 2012, j'imagine, je n'ai pas pris la note. Donc, on va écouter Emil Jensen dans une autre chanson, Vaxton, et ensuite, on va écouter Maya Hirasawa dans 2 chansons. D'abord, Tonsen Bitar, c'est tiré de l'album Drum Bort Mig Igen, paru en 2010, et du même album, on va écouter Leva Nu. Du ska alltid finnas där. var till hands. Men ge den lite egen tid ibland. En lagom blandning närhet och distans. Allting är en fråga om balans. Se den och beundra varje blad. Låt den chocka dig ibland, det gör den glad. Så häpna över rotsystem och frö. Tar du den för given kan den dö. Var beredd på lite mörker och misär. Hur den än beter sig, håll den kär. För allting är en fråga om balans. Jag älskar den utan förbehåll och sant. För allting är en fråga om balans. Så älskar utan förbehåll och sant. Sägs att ovan molnen är himlen alltid blå. Men det kan vara svårt att tro när man inte ser den. Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen. Men det hjälper sällan de som har blivit våta. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Och allting kan gå i tu, men ett hjärta det kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske det. Sägs att det finns alltid någonting bra i det som sker. Och tron är ofta den som ger oss styrka. Ja, man säger mycket, mycket, men man vet så lite om sig själv. När ångesten och ensamheten kommer. Allting kan pas le temps de faire jouer le Vanu de Maya Hirasawa, ça serait lui rendre

c'est Crime and Punishment en anglais. J'aurai sans doute l'occasion de revenir sur cet album. Je l'ai écouté et c'est un album superbe. Je vous le recommande en tout cas. Ensuite, on va écouter Nina Ramsby dans la chanson Skavor Av en Svit. En fait, le poème Skavor Av en Svit. Nina Ramsby, c'était une des voix du groupe rock alternatif suédois Salt dans les années 90. Elle fait maintenant partie du Nina Ramsby Ludwig Bergé Trio. C'est du jazz, mais pas seulement du jazz. On dit d'ailleurs d'elle et de ce trio qu'ils amènent le jazz dans de nouveaux sentiers. Et ça ne m'étonne pas du tout à l'écouter. Elle a une voix magnifique. J'ai écouté d'autres choses d'elle. Ça vaut vraiment la peine de chercher Nina Ramsby, R-A-M-S-B-Y. Kajagrit, c'est K-A-J-S-A-G-R-Y-T-T. Nina, c'est N-I-N-A et Ramsby, R-A-M-S-B-Y. Donc, on va écouter deux poèmes de la poétesse Sanja Akesson, décédée en 1977 et qui a eu un grand impact sur plusieurs femmes en Suède. Ett lugnt liv på Drottninggatan 83 på dagarna. Snyter ungar och putsar golv och koppar potter och kokar rotmos och pälsar. Jag lever ett lugnt liv i närheten av tunnelbanan. Jag är svensk, hade en svensk uppväxt. Jag läste läkarboken under täcket. Jag var medlem i baptisternas juniorförening. Jag drömde om att vara med i sångkören och sjunga till gitarr bland ljuslågorna. Jag drömde om att få vara med och fånga till gitarr på Lucia-festen. Jag var en typisk snorunge. Jag grävde gångar under snön och satt under ett snöanäppelträd och väntade på den yttersta dagen. Jag har suttit inglasad i ett bås när tiden vägrar bli fördriven och prövat lyckan i en röd liten stuga med amor i gästrummet och mars i sängkammaren. Jag har aldrig besökt solkusten eller nått den heliga staden. Och jag har dåligt hopp om att någonsin hinna dit. Kvinnor ska inte utforska något. De ska stanna där och med. Min mamma påminner mig ständigt om allt jag har att vara tacksam över. Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83 om dagarna tränande på min engelska. Jag har läst Catcher in the Rye med hjälp av ett kasserat lexikon och lagt märke till en sorglig likhet mellan en skolpojke i New York och en hemmafru i Stockholm. Kvarglömd i bakvända manér, ryckiga rörelser, ingen räddare. Jag sprang ut i den tidiga skymningen och ville sträcka handen genom himlen, men skyndade tillbaka hem för att inte bränna vid potatisen. Jag ser likhet mellan mig och potatis vid minsta källarljus, dessa famlande stänglar. Men aktas för stötar, aktas för kyla. Jag ser tigande barn i utsvultna hopar från djupet av en biograf och tar. Jag har sett om jag är mor. Jag var där men jag led inte tillräckligt. Jag gick in och stängde min dörr. Jag sitter i min bekväma stol. Jag besöker de nyktra varuhusen där jag inhandlar mina sterila anständighetskarameller. Jag har skrivit dikter med tänkvärda pauser och kommatecken. Jag förvandlar röd till stenar. Jag tycker mig vara bakbunden. Jag tycker mig ha en stum hud spänd över mitt ansikte. Jag fantiserar om en liten kniv mellan tänderna. Jag har känt hur jag kräktes upp min strupe, hur också min tunga gled ur. En obrukbar skinntrasa. Var finner jag instrument för all min instängda luft? Jag är nersölad sko på en överfylld gata. Jag är en herrlös hund full av efterhängsen kärlek bland likgiltiga nersölade skor. Jag har varit äkta Ofta par på måttbeställda skumplastmadrasser. Klaga över uteblivna upplevelser. Jag förstår deras leda. Jag har känt smekningar fastkletade som tuggummin. Jag dåsar på min plaskdanskant. Jag väntar med de uttråkade mödrarna. Jag ser deras män komma rullande i sina folkvagnar. I de innötta hjulspåren. De har skinande nylonskjortor och små skinnkuddar där bak. De har idiotsäkra tidtagare och blickar fulla av det är kött. Jag känner i mitt eget knagande ansikte. Jag lever ett lugnt liv, läsandes hyllningar till tillvaron av någon som inte led tillräckligt. Jag tuggar mina vitsar, jag stretar med min sega hög. Jag var den fula ankungen som aldrig förvandlades till svan. Hade jag då ett slags vingar? Jag känner sviter av brännskador. Jag plåstrar med min onda pucker. Jag letar efter min lilla kniv. För länge sedan förstörd av rost och söndertrampad i det gula gränsen. Thank you. när var inte tiden liten att avverka avvika att avverka att avvika att avverka avvika. att vänja sig av vid. Prövar, passerar, parerar. Havets nästan barnsliga snurrande. Han är havets nästan barnsliga snurrande. Han är havets nästan barnsliga snurrande.

Beau mélange, n'est-ce pas? On va écouter trois pièces de John Wizards. D'abord, Hugs Back. Ensuite, Maria. Et on va terminer avec Muizenberg. Les trois pièces sont tirées d'un album paru en 2013 qui s'intitule John Wizards. Simbasha kugoheka kuririmbira mu mataha y'inkumugoroba ziti ni wowe nyampinga uwambaye amasaro inyoni zirakuririmbira mu mataha y'inkumugoroba ziti ni wowe nyampinga uwambaye amasaro inyoni zirakuririmbira mu mataha y'inkumugoroba dore rya zuba rya terinka inyoni zirakuririmbira mu mataha y'inkumugoroba ziti ni wowe nyampinga uwambaye amasaro inyoni zirakuririmbira mu mataha you yes I will. Have a sweet name to call you. Agikora ku mukondo. Maria, you're sweet. You are Maria Susanna. You are Maria Teresa. You are Maria Goretti. You are Maria Josefa. You are Maria Flora. You are Maria Teresa. You are Maria Susanna. You are Maria Teresa. You are Maria Goretti. C'était John Wizards. Wizards, ça s'écrit W-I-Z-A-R-D-S, un groupe d'Afrique du Sud. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis complètement fasciné par ce beau mélange de rythme et de mélodie qu'ils font. On va monter, on va grimper, on va aller au Kenya avec deux groupes. D'abord, Sauti Soul. Sauti Soul, c'est un groupe formé à Nairobi en 2005. Ils ont d'abord chanté a cappella Sauti Soul. Et rapidement, les instruments sont ajoutés. Sauti, ça veut dire voix. C'est du Swahili. Le mot soul, c'est un mot espagnol qui veut dire soleil. Bref, les voix du soleil. Cette année, ils ont remporté le prix du meilleur groupe au MTV Africa Music Awards. C'est leur 11e prix en seulement 4 ans. imaginer. On va écouter donc Mbin Gouni, c'est tiré de l'album tout simplement Salty Soul, Soul Philosophia. C'est un album paru en 2011. Ensuite, on va écouter Eric Wainaina. J'ai dit que c'était un groupe, mais c'est un individu. D'abord, Eric Wainaina, mais il est avec un groupe. Il est kenyan aussi, Wainaina. Il a débuté sa carrière dans les années 1990. C'est un mélange de rythme benga et de guitare d'Afrique de l'Est avec des harmonies modernes. Les artistes qui l'ont influencé, Papa Wemba, Youssou N'Dour, Lokua Kanza et Paul Simon. Waiwana a aussi débuté avec un groupe a cappella, tout comme Salty Soul, de gospel dans le cas de Waiwana, Five Alive, qui s'appelait le groupe. Puis, quand le groupe s'est dissous en 1997, il s'est inscrit au Berklee College of Music à Boston, dont il est ressorti avec un diplôme en musique, avec une majeure en écriture de paroles et de chansons et d'ingénieur du son. Bref, c'est un musicien très talentueux. De lui, on va écouter Mariana. C'est tiré de l'album Love and Protest. C'est un album paru en 2011. Mais d'abord, on va écouter Salty Soul. Hakuna hofu na shida, kila kitu ni shwari. Mbinguni kumetawana malaika. Hakuna hofu na shida, kila kitu ni shwari. Ninguni tutaenda na kina Mariana, Mariana, nimechoka kusota, nimeamua leo ni leo, nitabadili picha. Mariana, Mariana, niliomba unipe mwaka, usitupe upendo wetu, na usiamke kutoka ndoto yetu. Nilinunua baiskeli kupitia mkopo wa benki, kusafirisha abiria, lakini iliibiwa. Mariana, Mariana, ulitafuta visa ya nchi ya Europa, utaniacha juu ya pesa, hakuna takayeweza kukupenda vile na kupenda. Najua upendo hauliwi, lakini moyo haudanganywi. Nilinunua shamba na nilipanda mimea ya kuuza marikiti, lakini ukame ukanirudisha magotini. Oh, oh, oh, oh, oh. Mariana, nilikuwa nimechoka kwa vile umaskini utafanya unitoroke. Mariana, Mariana, nilikomboa bunduki, niliamua leo ni leo, nilikuwa na mpango mufti kama vile kwenye movie. Niliingia kwa benki, nilisema lala chini, nikajaziwa tikiti. Basi ni mimi huyo, nikajivuta upesi, kwa nini kwa makumbusho yangu waeleze nilikata kuishi na matumaini pekee. Mariana, Mariana, jambo la mwisho kwa mizizi ya mti wetu, kuachia zawadi ili usinitoroke. On termine cette troisième demi-heure de l'émission Les Oreilles Ailleurs avec une chanson, un air.

C'est la dernière demi-heure de l'émission Les Oreilles Ailleurs. Les Oreilles Ailleurs qui sont sur TuneIn. Je salue d'ailleurs en passant les gens de TuneIn. TuneIn, c'est un site, mais c'est aussi un endroit où on peut retrouver plusieurs podcasts. C'est un site où il y a de nombreuses radios de partout à travers le monde et des podcasts, dont celui de l'émission Les Oreilles Ailleurs. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site de CKRL, c'est www.ckrl.qc.ca pour vous abonner au podcast à la balado diffusion de l'émission Les Oreilles Ailleurs. Vous allez dans la programmation, vous cherchez Les Oreilles Ailleurs. Dès là, vous allez vous rendre sur la page de l'émission et vous allez voir, c'est très facile de s'abonner au podcast des Oreilles Ailleurs. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site, sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net, lesoreillesailleurs en un seul mot.net. Vous allez retrouver non seulement les balado diffusion de cette émission-ci, un peu plus tard, évidemment, dans la journée, mais aussi des émissions antérieures et également le titre des chansons, le titre des artistes que vous aurez entendus au cours des émissions. En parlant d'artistes que vous aurez entendus, le prochain s'appelle David Broza. David Broza, il est très populaire dans son pays, en Israël. Il a grandi entre l'Espagne et l'Angleterre. Son père était un homme d'affaires, sa mère était une chanteuse folk. Quand il était petit, lui-même voulait devenir un artiste graphique. Heureusement pour nous, il a plutôt choisi de faire une carrière de chanteur. Broza a su fusionner ses influences musicales espagnoles, anglaises et israélo-palestiniennes. D'ailleurs, c'est un activiste pour la paix qui fait des concerts avec des artistes arabes palestiniens. Il devait faire un concert le 3 juillet dernier à Haïfa. Et avec les événements qu'on connaît, le concert a dû être remis à plus tard. On va écouter de lui, tiré de l'album Third Language, le titre éponyme de l'album, la chanson du haut titre de l'album, Third Language. C'est un album paru en 2011. Ensuite, on va écouter une chanson tirée d'un album qui s'appelle Things Will Be Better, The Best of David Broza. C'est un album paru en 2006. On va écouter Mi Voy. Vous allez voir les influences espagnoles. Fecha. Echó la última mirada a aquel salón y vio que no sentía pena. Me voy a Cartagena, regreso a Tel Aviv. Se detuvo a recordar los días de felicidad en esta casa. No se paró a saborear la soledad de aquellas noches largas. Entré a Mar de Plata, en barco hasta Moscú, en hasta Barajas, aquí te quedas tú. Salió a la calle y descubrió que el sol tenía otro color aún más vivo. Y ante el reloj de la estación volvió a tener entre sus manos su destino. Billete de primera. Amarte en autobús, mi vida pa' mi vuelta y un norte pa' mi sur. Hoy quiero soñar con mi libertad, esa cuerda que ya no me ata, no sigue allí. אני עומד בדלת, שוב יוצא לדרך. שולח עוד מבט אל עבר החדר החשוך. מתחת לשמיכת הפוך, את ישנה וחולמת. כאשר תתעוררי, אהיה רחוק בעיר זרה. אני נפש תאומה שלך, את אומרת. אני עונה, עד שבת הלום הייתי יתום. אהבתנו מתפתחת מיום ליום, גדלה ותופחת. הסמליות והמציאות בחיינו כמו בתיאטרון. איך אני אדע שזאת היא אהבה? איך אני אדע זאת היא אהבה? כאשר אני מביט עמוק בתוך עינייך, רואה במרחבים אותנו אוהבים, רואה רחוק. וכאשר את מחבקת, מרגיש את חום שדייך. אפילו הכאב עובר, הכל נהיה מתוק. וכשאחזור, את תפתחי לי את הדלת. תשתי קפה, אשתה משקה ונדבר. כל מה שאת אומרת, כל מה שאני חושב, את חושבת. אנחנו מדברים שפה שלנו, שפה שלישית, זה משהו אחר. איך אני אדע שזאת היא אהבה? David Broza, Third Language. David Broza qui a écrit et enregistré avec un groupe palestinien, avec des artistes palestiniens, faut dire, mais avec entre autres le groupe Sabrine Et il a sorti un album. D'ailleurs, les deux artistes ont reçu une récompense pour cette musique qui est sortie en 2006. Il a sorti aussi récemment un album qui a été enregistré dans un studio palestinien. On poursuit avec une chanteuse israélienne d'origine arabe, Mira Awad. Mira Awad, elle est née en Israël, elle est née plus particulièrement dans la ville ou le village plutôt de Ramais. Ça, c'est en Galilée. Son père est chrétien arabe de Galilée et il est médecin de profession. Sa mère, elle est chrétienne bulgare. Elle a étudié à l'école Raymond de jazz et de musique contemporaine à Ramat Hasraon. Elle a participé à des ateliers d'improvisation en Israël, au Royaume-Uni, des ateliers qui étaient parrainés par le British Council dans le cadre du Royaume-Uni. Elle a étudié à l'école de théâtre, dans une école de théâtre. Elle a eu une bourse de la Fondation Culture Amérique-Israël pour faire ses études. Elle vit à Tel Aviv, en Israël. Elle est controversée, vous l'aurez compris, autant auprès des Juifs pas de tous les Juifs, évidemment. Il y a des Juifs qui sont en faveur de la paix, autant du côté juif que du côté arabe. On va l'écouter dans une chanson qui s'intitule... On va l'écouter dans une chanson qui s'intitule Balavan Acrobat. Ça, c'est une chanson tirée de l'album du même nom, Balavan Acrobat. On l'écoute. ماشي على أوتار مشدودة إيدي على جناب ممدودة بلا أي ضمان ولا شبكة أمان بهلوان بلا أي ضمان شبكة أمان بهلوان معلقة بين أرض وسما وريح مجنونة خطوة ورا خطوة على الحبل موزونة أي إشي بصير أي خلل صغير بطير أي إشي بصير أي خلل صغير بطير أنا دايما كنت هيك دايما على وانتي دايما خايف علي يمكن خايف ينعرف انه بلا اي ضمان ولا شبكة امان بهلوان واي شي بصير اي خلل صغير بطير بطير Awad Balawan Acrobat. On va poursuivre avec un groupe qui est israélien. Je rappelle qu'on est en Israël pour cette dernière demi-heure de l'émission Les Oreilles Ailleurs. Le groupe s'appelle Hadagan H. C'est un groupe de hip-hop funk né à Jérusalem en 1996. C'est un groupe qui a des positions de gauche dans plusieurs de leurs chansons. Et certaines d'entre elles sont chantées lors de manifestations en Israël, un peu comme certaines chansons de groupes québécois sont chantées lors de manifestations ici au Québec. C'est un peu l'équivalent. On va écouter deux Hakol Yistader. Ensuite, on va écouter le prince du rock israélien. C'est ainsi qu'on le surnomme. Il s'appelle Barry Sakharov. Il a débuté à l'âge de 16 ans. Il est né en Turquie d'abord, faut que je le précise. Il est né en Turquie. Son père, ses parents sont installés en Israël alors qu'il avait 3 ans. À l'âge de 16 ans, il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Cosmic Dream. Après son service militaire, il s'est joint à un groupe post-punk en Belgique, Minimal Compact. Il va retourner en Israël par la suite pour poursuivre seul sa carrière. Il n'a pas fait que du rock, Barry Sakharov. Mais dans l'album qu'on va écouter, You Are Here, sorti en 2011, il est carrément dans son style habituel. Sakharov, d'ailleurs, devait participer au concert pour la paix prévu le 3 juillet à Haïfa. On va comprendre, évidemment, que ce concert a dû être remis à plus tard. Écoutons d'abord Hadag Nahash dans la chanson Hakol Yestader. Ensuite, Barry Sakharov dans Haloshesh Bamshoniyot. לשנות לטובתי את השיטה הממסד מסתתר עמוק בתוך הבירוקרטיה בלי אמפתיה מנצל את הסיטואציה מה שקורה לו הוא היום מחר יכול לקרות גם לי זאת המציאות הכי לא סרט בדיוני מגן דוד וחצי סהר למרבה הצער מטריפים רק את הפער חיים ביחד על התער זוהי האירוניה הסיופה של הסימפוניה חוזר היכולת להגיע להרמוניה למרות כל הקשיים את הטוב אני זוכר אם אני בבלבלה מיד אני אומר אני יודע שכל צפים בתוך השצפים, הקצפים וכל הכיסופים בתוך חופות הזך מאוד התחלתי להיות חיסיון של זכויותיי לשלול, חסכונותיי לגזול, חירויותיי ליטול, אל מול הכל כולל הכל אני לא אצלול, אלא אצעק שלקחתי את הפרס הגדול. Cheche Bamcho Niyot de Berry Sakharov. C'est ainsi que se termine l'émission Les Oreilles Ailleurs. Il me reste à vous souhaiter de passer une belle semaine. Racine musicale suit à la semaine prochaine. D'ici là, rendez-vous sur lesoreillesailleurs.net. Au revoir.